Ainsi se termine votre nuit rêvée, Jean-Claude Galota. Au cours de cette nuit, il a été question d'Ulysse, du rock au féminin, et nous avons entendu les voix de Merce Cunningham, Pierre Boulez et Franck Zappa, Serge Gainsbourg, Françoise Sagan, Hervé Guibert et celle de Patrice Chéreau, et aussi Fred Astaire et Gene Kelly, Betty Davis, Alain Delon dans Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard, et Thierry Verger, Béatrice Varan, Jimena Figueroa et Mathilde Altaraz. Après plus de 40 années de danse, Jean-Claude Galota, si vous regardez en arrière, si vous repensez au jeune homme des années 70, étudiant aux Beaux-Arts à Grenoble, qui découvrait la danse, tardivement d'ailleurs, qu'est-ce que vous vous dites? Quel sentiment domine chez vous? L'étonnement, une forme de fierté? Les deux. Non, c'est un peu étonnant. Ben, je me retourne pas trop, mais ça va arriver, je pense. Avec l'âge, je pense qu'on se retourne plus. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui avance. Et puis, d'être avec des danseurs de plus en plus jeunes, d'ailleurs, je vais bientôt être leur grand-père, c'est merveilleux parce qu'on reste vivant, on reste dynamique, on les voit vivre, on les aide. Et puis, je m'aperçois en fait que la danse, elle est restée la même. Tout a bougé, mais en fait, quand je me retrouve devant des corps, ben, ils ont le même problème. Il y en a qui sont doués, d'autres qui ne le sont pas. Mais j'ai l'impression que je refais la même chose. Que finalement, même si on est champion des réseaux sociaux ou champion de l'informatique, eh ben, on a la même problématique. Ça n'a rien changé dans le corps, quoi. Et là, du coup, c'est rassurant. Je me dis, bon, ben, j'ai encore des choses à faire. Donc, tant que je peux, je continuerai. Il ne s'arrête jamais de chorégraphier. C'est encore Claude-Henri Buffard qui dit ça de vous, Jean-Claude Galota. Vous ne vous arrêtez jamais? Je m'arrête presque jamais. Voilà, c'est vrai. C'est le presque qui est important. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Galota, de nous avoir fait partager votre nuit rêvée. Oui, d'autant que je fais le jour ce rêve. Alors, ça va bien continuer. Je signale aux auditeurs plusieurs reprises de certaines de vos chorégraphies. La tournée de l'homme à tête de chou se poursuivra de décembre à mai dans plusieurs villes de France et également My Ladies Rock de décembre à juin en France, Italie et Allemagne. Et aussi quelques dates pour My Rock et Comme un trio. Les informations sont disponibles sur le site galota-danse.com. Et la nuit prochaine, ne manquez pas la suite de l'histoire d'Ulysse racontée par Jean-Pierre Vernant. Chargé de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique, Jérémy Kaufmann, réalisation, Virginie Mourtet. Alban Penaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une très bonne journée sur notre chaîne. Vous pouvez télécharger pendant un an et réécouter quand vous voulez La Nuit Rêvée de Jean-Claude Galota sur le site franceculture.fr à la page des Nuits, où vous trouverez également des références bibliographiques. Jean-Claude Galota, nous nous quittons avec Alain Bachung, Immortel, paroles et musique de Dominique A. En quelques mots très vite, pourquoi? Parce que c'est une chanson que j'aimerais chorégraphier. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. C'est une chanson... quand on se parlait avec Bachung, il me disait « Est-ce qu'à la fin, il faut mettre quelque chose au générique quand on salue ?» Je dis « Ah ben non, c'est un peu tôt. » Et puis maintenant qu'il est mort, c'est celle que je mettrai en fait. Donc voilà, elle reste unique et belle. Très bonne journée à vous, Jean-Claude Galota. Merci Alban. Très bonne journée à toutes et à tous. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces là.